On dit que l'amitié est une perle rare, un sentiment exquis où l'on parle sans phare. Pourtant les vrais amis ne se comptent-ils pas sur les doigts d'une main, amputée de cinq doigts. Sur les doigts d'une main, amputée de cinq doigts. L'amitié est fragile, souvent évanescente. Une parole en trop, une parole absente. Et celle-ci s'enfuit, laissant de lourdes traces sur les cœurs s'abritant sous une carapace. Sur les cœurs s'abritant sous une carapace. L'amitié véritable se doit d'être sincère pour ne pas s'évanouir, tel le but éphémère. Être là à l'écoute au moment difficile et partager un peu les périodes futiles. Et partager un peu les périodes futiles. L'amitié nourrissante se doit d'être un échange et ne peut exister toujours à sens unique sans prendre les allures pour le moins pathétique. Sans perdre sur sa main encore une phalange. Sans perdre sur sa main encore une phalange. Je connais de ces gens qui ont beaucoup d'amis que moi je nommerais vulgaire et picassiette, car ceux-là ne sont proches que pour faire la peine. Et sans encore l'ami croule sous les soucis. Et sans encore l'ami croule sous les soucis. L'amitié peut-elle vivre dans ce monde égoïste? Où est-elle un prétexte à ces opportunistes? Présent près de vous à toute fin utile. Et se détourne encore, vous êtes inutile. Et se détourne encore, vous êtes inutile.